tu n'apportais qu'un coup. J'avais baissé la garde, pensant naïvement que j'étais le plus fort. Ton regard était doux, et j'ai cru par mes gardes échapper au tourment qui m'attendait dehors. Tu n'apportais qu'un coup, mais est-ce donc possible? Il y a seulement un jour, un mois ou une année, j'étais heureux de tout, mais tu vins impassible m'assommer sans détour avant de t'en aller. Et maintenant j'attends, de toi je me languis, je t'imagine ailleurs et j'ai mal de savoir qu'un autre cœur aimant remplit toute ta vie. Cet autre, ton âme sœur, accroît mon désespoir. Et maintenant j'attends, et je meurs de t'attendre. Je suis à ta merci et je déteste ça. Comment faire autrement, à part que de me pendre? S'il te plaît pour ma vie, reviens donc vers moi. Je t'en prie, dis-moi quelque chose de toi. Je t'en prie, parle-toi, moi je n'ose, moi je n'oserai pas. Mets fin à ce silence, mais ne me laisse pas. Mets fin à ce silence, seul je ne pourrai pas. Tu n'apportais qu'un coup que je n'ai vu venir, qui ne m'en a pas moins pour autant terrassé. Et ton regard si doux continuait d'agir pendant que sous tes mains mon corps agonisait. Tu n'apportais qu'un coup, mais il fut efficace. Tu m'as laissé à terre comme si de rien n'était. Sous ton regard si doux, je te demande grâce. Je n'ai qu'une prière, être ton prisonnier. Et maintenant j'attends, c'est long, tellement long. Les minutes sont des heures, les heures des journées. Le temps cruel s'étend, dérègle ma raison. L'horloge de mon cœur me semble posséder. Et maintenant j'attends que tu acceptes enfin d'avoir pour moi ce geste qui me libérera. Me tuer maintenant ou me donner la main. En attendant je reste seul et froid loin de toi. Oh, je t'en prie, dis-moi quelque chose de toi. Je t'en prie, parle-toi, moi je n'ose, moi je n'oserai pas. Mets fin à ce silence, à cette histoire-là. Abrège mes souffrances, seul je ne pourrai pas.